Chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites, car voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit le Seigneur. Et je le ferai rentrer dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Voici les paroles que le Seigneur a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle le Seigneur. Nous avons entendu un cri de terreur. C'est l'épouvante, et il n'y a point de paix. Demandez et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes avec les mains sur leurs reins comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur, car grande est cette journée, elle n'a pas sa pareille. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur des armées. Je briserai son joug de dessus ton cou. Et je romprai tes liens. Des étrangers ne t'asserviront plus, mais ils seront assujettis au Seigneur leur Dieu, et à David leur roi, que je susciterai pour eux. Toi donc, ne crains point, mon serviteur Jacob, oracle du Seigneur. Ne t'effraie point, Israël, car voici que je vais te retirer de la terre lointaine, et ta postérité du pays de son exil. Jacob reviendra, il sera tranquille, en sécurité, sans que personne l'épouvante. Car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te sauver. Je ferai une extermination dans toutes les nations où je t'ai dispersé. Pour toi, je ne t'exterminerai pas, mais je te châtierai selon la justice, et je ne te laisserai pas impuni. Car ainsi parle le Seigneur. Ta blessure est incurable, ta plaie est douloureuse. Nul ne plaide ta cause pour qu'on panse ta plaie. Il n'y a pas pour toi de remède qui guérisse. Tous tes amants t'ont oublié, ils ne se soucient point de toi. Car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi, d'un châtiment cruel, à cause de la multitude de tes iniquités. Parce que tes péchés se sont accrus. Pourquoi crier à cause de ta blessure, de ce que ton mal est incurable? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, et parce que tes péchés se sont accrus, que je t'ai fait ces choses. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes oppresseurs iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. Car je vais te panser, de tes plaies je vais te guérir, oracle du Seigneur. Car on t'appelle, repoussé, Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais rétablir les tentes de Jacob, et j'aurai compassion de leur demeure. La ville sera rebâtie sur sa colline, et le palais rétabli à sa place. Il en sortira des chants de louanges et des cris d'allégresse. Je les multiplierai, et ils ne seront plus diminués. Je les glorifierai, et ils ne seront plus méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée sera affermie devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera un des siens, et son souverain sortira de son sein. Je le ferai venir, et il s'approchera de moi. Car quel est l'homme qui disposerait son cœur de manière à s'approcher de moi? Oracle du Seigneur. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici que la tempête du Seigneur, la fureur, va éclater. L'orage se précipite, il fond sur la tête des impies. Le feu de la colère du Seigneur ne retournera pas en arrière, qu'il n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous le comprendrez. Chapitre 31. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple échappé au glaive. Je veux mettre Israël en repos. Le Seigneur m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Aussi j'ai prolongé pour toi la miséricorde. Je te bâtirai encore, et tu seras rebâti, vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins, et tu t'avanceras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore tes vignes sur les montagnes de Samarie. Ceux qui plantent planteront, et ils recueilleront. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous et montons à Sion vers le Seigneur, notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse pour la première des nations. Faites-vous entendre, chantez des louanges et dites « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. » Voici que je les ramène du pays du septentrion, que je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux seront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Ils reviendront ici en grande foule. Ils reviendront en pleurant. Je les ramènerai au milieu de leurs supplications. Je les conduirai aux eaux courantes, par un chemin uni où ils ne broncheront pas. Car j'ai été un père à Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole du Seigneur, et annoncez-la aux îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, il l'a délivré des mains d'un plus fort que lui. Ils viendront avec des cris de joie sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, vers le blé, vers le vin nouveau, vers l'huile, vers les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne continueront plus de languir. Alors la jeune fille s'égayera à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards ensemble. Je changerai leur deuil en joie. Je les consolerai, je les réjouirai après leur douleur. Je rassasierai de graisse l'âme des prêtres, et mon peuple se rassasiera de mes biens. Oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Une voix a été entendue à Rama, des lamentations et des pleurs amers. Rachel pleurant ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Retiens ta voix de gémir et tes yeux de pleurer, car ton œuvre aura sa récompense, oracle du Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour tes derniers jours, oracle du Seigneur, et tes enfants retourneront dans leurs frontières. J'ai entendu Éphraïm qui gémit. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un jeune taureau indompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es le Seigneur, mon Dieu. Car après m'être détourné, je me suis repenti, et après avoir compris, j'ai frappé ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant favori? Car chaque fois que je parle contre lui, je me ressouviens encore de lui. Aussi pour lui mes entrailles se sont émues. Oui, j'aurai pitié de lui, oracle du Seigneur. Dresse pour toi des signaux, pose pour toi des jalons, fais attention à la route, au chemin par lequel tu as marché. Reviens, Vierge d'Israël, reviens ici, dans tes villes. Jusque à quand seras-tu errante, fille rebelle? Car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur la terre. Une femme entourera un homme. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. On dira encore cette parole sur la terre de Juda et dans ses villes, quand je ramènerai leurs captifs. Que le Seigneur te bénisse, demeure de la justice, montagne de la sainteté. Là habiteront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car j'abreuverai l'âme altérée, et je rassasierai l'âme languissante. Sur cela je me suis réveillé, et j'ai vu que mon sommeil avait été doux. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence d'animaux. Et il arrivera. Comme j'ai veillé sur eux pour arracher et pour abattre, pour ruiner, pour détruire et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Oracle du Seigneur. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils en sont agacées. Mais chacun mourra pour son iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je conclus avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'eux ont rompue, quoique je fusse leur époux. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Un homme n'enseignera plus son prochain, ni un homme son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis les petits jusqu'aux grands. » Oracle du Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle le Seigneur, qui donne le soleil pour éclairer pendant le jour, et trace des lois à la lune et aux étoiles pour éclairer pendant la nuit, qui soulève la mer et ses flots mugissent. Le Seigneur des armées est son nom. Si jamais ces lois cessent devant moi, oracle du Seigneur, alors aussi la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle le Seigneur. Si les cieux peuvent se mesurer en haut, et les fondements de la terre se sonder en bas, alors aussi je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Oracle du Seigneur. Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où cette ville sera rebâtie pour le Seigneur, depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau à mesurer sera tiré en droite ligne sur la colline de Gareb, et il tournera vers Goa. Et toute la vallée des cadavres et des cendres, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, vers l'Orient, seront des lieux saints au Seigneur. Et ils ne seront jamais ni dévastés, ni détruits. Chapitre 32. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nabuchodonosor. Alors l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de garde qui était dans la maison du roi de Juda. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, en lui disant « Pourquoi prophétises-tu en ces termes ? Ainsi parle le Seigneur. Voici que je livre cette ville aux mains du roi de Babylone, et il la prendra. Et Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens. Il sera certainement livré aux mains du roi de Babylone, et il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Et Nabuchodonosor emmènera Sédécias à Babylone, et il y restera jusqu'à ce que je le visite. Oracle du Seigneur. Si vous combattez contre les Chaldéens, vous ne réussirez point. Et Jérémie dit : La parole du Seigneur m'a été adressée en ces termes. Voici Hanaméel, fils de Séloum, ton oncle, qui vient vers toi pour te dire : Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acheter. Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint vers moi selon la parole du Seigneur, dans la cour de garde, et il me dit : Achète donc mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et le droit de rachat. Achète-le donc. Alors je connus que c'était là une parole du Seigneur, et j'achetai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. Puis je passai l'acte et je le scellai. Je pris des témoins et je pesai l'argent dans la balance. Ensuite je pris l'acte d'acquisition, celui qui était scellé, renfermant les stipulations et les clauses, et celui qui était ouvert. Et je remis l'acte d'acquisition à Baruch, fils de Néri, fils de Maasias, en présence de Hanaméel, fils de mon oncle, et en présence des témoins qui avaient signé l'acte d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui étaient assis dans la cour de garde. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Prends ces actes, cet acte d'acquisition qui est scellé, et cet acte qui est ouvert, et mêlés dans un vase de terre, pour qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays. Après que j'eus remis l'acte d'acquisition à Baruch, fils de Néri, j'adressai cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur l'Éternel! C'est toi qui as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien ne te sera impossible. C'est toi qui fais miséricorde à des milliers, et qui paies le salaire de l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants, après eux. Dieu grand et fort, dont le nom est le Seigneur des armées, grand en conseil et puissant en action, dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants d'Adam, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. C'est toi qui as fait des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte et jusqu'à ce jour, en Israël et parmi les hommes, et qui t'es fait un nom tel que nous le voyons aujourd'hui. C'est toi qui as tiré Israël, ton peuple, du pays d'Égypte, avec des signes et des prodiges, par ta main puissante et ton bras étendu, et en répandant une grande terreur. Et tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leur père de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Ils y sont entrés, ils en ont pris possession, mais ils n'ont pas écouté ta voix, ils n'ont pas marché dans ta loi. Et tout ce que tu leur avais commandé de faire, ils ne l'ont pas fait. Et tu as amené sur eux tous ces malheurs. Voici que des terrasses atteignent la ville, pour la prendre, et la ville va être livrée aux mains des Chaldéens qui l'attaquent, par l'épée, la famine et la peste. Ce que tu as dit arrive, et tu le vois. Et toi, Seigneur, tu m'as dit, achète-toi ce champ à prix d'argent, et prends des témoins. Et la ville est livrée aux mains des Chaldéens. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. Je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y aurait-il une chose impossible pour moi? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais livrer cette ville aux mains des Chaldéens et aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville y entreront. Ils mettront le feu à cette ville et ils la brûleront, ainsi que les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Et les enfants d'Israël n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains. Oracle du Seigneur. Car cette ville n'a fait qu'exciter ma colère et ma fureur, depuis le jour où ils l'ont bâtie jusqu'à ce jour, afin que je la fasse disparaître de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos et non pas la face. Et, quand je les ai instruits, les instruisant dès le matin, ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Et ils ont mis leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, pour la souiller. Ils ont bâti les hauts lieux de Baal, dans la vallée du fils de Hinnom, faisant passer par le feu leurs fils et leurs filles pour Moloch, ce que je ne leur avais pas commandé, et ce qui ne m'était pas venu à la pensée, faisant cette abomination pour faire pécher Juda. Maintenant donc, ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, touchant cette ville dont vous dites, « Elle sera livrée aux mains du roi de Babylone, par l'épée, la famine et la peste. Voici que je les rassemblerai de tous les pays où je les aurai chassés dans ma colère, dans mon indignation et dans mon grand courroux. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sécurité. » Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, et je leur ferai suivre une même voie, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, pour ne pas me détourner d'eux, en cessant de leur faire du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent pas de moi. Je mettrai ma joie à leur faire du bien, et je les planterai fidèlement sur cette terre, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle le Seigneur. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tous ces biens dont je parle à leur sujet. Et on achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est un pays dévasté, où il n'y a plus ni homme ni bête. Il est livré aux mains des Chaldéens. On achètera des champs à prix d'argent. On en passera les actes, on les scellera et l'on prendra des témoins, dans le pays de Benjamin, et dans les environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la Séphéla, et dans les villes du Négueb. Car je ferai revenir les captifs. Oracle du Seigneur. Chapitre 33. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie une seconde fois, lorsqu'il était encore enfermé dans la tour de garde, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur qui fait cela, le Seigneur qui le conçoit pour l'exécuter. L'Éternel est son nom. Invoque-moi, et je te répondrai. Je te manifesterai des choses grandes et inaccessibles, que tu ne sais pas. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville, et des maisons du roi de Juda, abattues pour faire face aux machines de guerre et à l'épée, et au sujet de ceux qui vont combattre les Chaldéens, pour remplir ces maisons des cadavres des hommes, que je frappe dans ma colère et ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cache ma face à cette ville. Voici que je lui applique un pansement, et que je la soigne pour la guérir, et je leur ferai voir une abondance de paix et de sécurité. Je ramènerai les exilés de Juda et les exilés d'Israël, et je les rétablirai comme ils étaient autrefois. Je les purifierai de toute leur iniquité, par laquelle ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs iniquités, par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Et le nom de cette ville sera pour moi un nom de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront effrayées et frémiront, en voyant tout le bonheur et la prospérité que je leur donnerai. Ainsi parle le Seigneur. On entendra encore, dans ce lieu dont vous dites, « C'est un désert sans homme ni bête », dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, qui sont désolées, sans homme, sans habitants, ni bête. Les cris de joie et les cris d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez le Seigneur des armées, car le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à jamais. » De ceux qui apportent leur sacrifice d'action de grâce à la maison du Seigneur. Car je ferai revenir les exilés de ce pays, pour qu'ils soient comme à l'origine, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. Il y aura encore dans ce lieu, désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, des abris pour les pasteurs qui y feront reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne et dans les villes de la Séphéla et dans les villes du Négeb, dans le pays de Benjamin et dans les environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les troupeaux passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit le Seigneur. Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite au sujet de la maison d'Israël et de la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai germer à David un germe juste, qui exercera le droit et la justice sur la terre. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en assurance, et on l'appellera « Seigneur notre justice ». Car ainsi parle le Seigneur. Il ne manquera jamais à David de descendants assis sur le trône de la maison d'Israël. Et aux prêtres lévites, il ne manquera jamais devant moi d'hommes pour offrir l'holocauste, pour faire fumer l'oblation et faire le sacrifice tous les jours. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône, et avec les Lévites prêtres qui font mon service. Comme l'armée des cieux ne se compte pas, et comme le sable de la mer ne se mesure pas, ainsi je multiplierai la race de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. » Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. « N'as-tu pas vu ce que ce peuple dit en ces termes ? Le Seigneur a rejeté les deux familles qu'il avait choisies. Ainsi il méprise mon peuple, au point que, devant eux, il n'est plus une nation. » Ainsi parle le Seigneur. Si je n'ai pas établi mon alliance avec le jour et la nuit, et si je n'ai pas posé les lois du ciel et de la terre, je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, au point de ne plus prendre dans sa postérité des chefs pour la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. car je ferai revenir les captifs, et j'aurai compassion d'eux. Chapitre 34. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec toute son armée, tous les royaumes de la terre soumis à sa domination et tous les peuples, combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes de sa dépendance. En ces termes. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Va et parle à Sédécias, roi de Juda, et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais livrer cette ville au roi de Babylone, et il la brûlera. Et toi, tu n'échapperas pas à sa main, car tu seras certainement pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone. Il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone. Toutefois, écoute la parole du Seigneur, Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle le Seigneur à ton sujet. Tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix, et, comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et on se lamentera sur toi en disant « Hélas, Seigneur !» Car moi, j'ai prononcé cette parole, oracle du Seigneur. Jérémie le prophète dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Or l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes de Juda qui tenaient encore, contre Lachis et contre Azekah. Car des villes de Juda, des villes fortes, il ne restait plus que celles-là. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, après que le roi Sédécias eut fait un accord avec tout le peuple de Jérusalem pour publier à leur adresse un affranchissement, afin que chacun renvoyât libre son esclave et chacun sa servante, hébreu ou hébreuse, et qu'il n'y eût personne qui retint en servitude un judéen, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans cet accord consentirent à renvoyer libre chacun son esclave et chacun sa servante, pour ne plus les retenir en servitude. Ils y consentirent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils changèrent d'avis et firent revenir les esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient renvoyés libres, et les obligèrent à redevenir esclaves et servantes. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Moi, j'avais fait alliance avec vos pères au jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, en leur disant « Au terme de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui lui aura été vendu. Il te servira 6 ans, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, aujourd'hui, vous étiez revenus, et vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en proclamant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez conclu un accord en ma présence, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous avez changé d'avis, et vous avez profané mon nom, en faisant revenir chacun votre esclave et chacun votre servante, que vous aviez affranchis et rendus à eux-mêmes, et en les obligeant à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Vous ne m'avez point obéi en publiant un affranchissement chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici que je publie pour vous un affranchissement, oracle du Seigneur. Je vous renvoie à l'épée, à la peste et à la famine, et je ferai de vous un objet de terreur parmi tous les royaumes de la terre. Et les hommes qui ont transgressé mon accord, qui n'ont point exécuté les termes de l'accord qu'ils ont conclu en ma présence, je les rendrai tels que le jeune taureau qu'ils ont coupé en deux pour passer entre les morceaux. Les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et tous les gens du pays qui ont passé entre les morceaux du jeune taureau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et leurs cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et Sédécias, roi de Juda, et ses princes, je les livrerai aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, aux mains de l'armée de Babylone, qui s'est éloignée de vous. Voici que je donne des ordres, oracle du Seigneur, et je vais les ramener contre cette ville. Ils combattront contre elle, ils la prendront et la brûleront. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Chapitre 35. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces termes. Va vers la famille des Réchabites et parle-leur. Tu les amèneras à la maison du Seigneur, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris donc Jésonias, fils de Jérémie, fils de Hapsanias, ses frères, tous ses fils et toute la famille des Réchabites. Et je les fis entrer dans la maison du Seigneur, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jegdélias, homme de Dieu, près de la chambre des chefs et au-dessus de la chambre de Maasias, fils de Séloum, garde du seuil. Je plaçai devant les fils de la famille des Réchabites des vases remplis de vin et des coupes, et je leur dis « Buvez du vin ». Mais ils dirent « Nous ne buvons point de vin, car Jonadab, fils de Réchab, notre père, nous a donné ce commandement. Vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos fils, à jamais. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez pas, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes pendant tous vos jours, afin que vous viviez de nombreux jours sur la terre où vous êtes comme des étrangers. » Nous avons donc observé la parole de Jonadab, fils de Réchab, notre père, en tout ce qu'il nous a commandé, en sorte que nous ne buvons jamais de vin, nous, nos femmes, nos fils, nos filles. En sorte que nous ne bâtissons pas de maison pour y demeurer, que nous n'avons ni vigne, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, nous obéissons et nous agissons selon tout ce que Jonadab, notre père, nous a commandé. Et quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit « Venez et retirons-nous à Jérusalem, devant l'armée des Chaldéens et l'armée de Syrie. » Et nous avons demeuré dans Jérusalem. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. « Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. » Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. N'accepterez-vous pas l'instruction en écoutant mes paroles, oracle du Seigneur? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Réchab. Il a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, par obéissance à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Parlez dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, les envoyant dès le matin pour vous dire « Revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez votre conduite, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous habiterez le pays que je vous ai donné, à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, et vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Réchab, ont observé le commandement que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël. Voici que je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les maux dont j'ai parlé à leur sujet, parce que je leur ai parlé, et ils ne m'ont pas écouté. Je les ai appelés, et ils ne m'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la famille des Réchabites : Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi à l'ordre de Jonadab, votre père, et que vous avez gardé tous ses commandements et agi selon tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Jamais Jonadab, fils de Réchab, ne manquera de descendants qui se tiennent en ma présence. Chapitre 36. La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Prends un volume, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, contre Juda et contre toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias, jusqu'aujourd'hui. Peut-être que la maison de Juda entendra tout le mal que j'ai dessein de leur faire, afin qu'ils se détournent chacun de sa mauvaise voie, et que je pardonne leur iniquité et leur péché. Jérémie appela donc Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit dans le volume, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que le Seigneur avait dites à celui-ci. Et Jérémie donna cet ordre à Baruch en disant « Je suis empêché, et ne puis aller dans la maison du Seigneur. Tu iras donc, toi, et tu liras, dans le volume que tu as écrit sous ma dictée, les paroles du Seigneur aux oreilles du peuple, dans la maison du Seigneur, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être que leur supplication arrivera devant le Seigneur, et qu'ils se détourneront chacun de sa mauvaise voie. Car grande est la colère et l'indignation que le Seigneur a exprimée contre ce peuple. » Et Baruch, fils de Néria, fit tout ce que Jérémie le prophète lui avait commandé, lisant dans le livre les paroles du Seigneur, dans la maison du Seigneur. La cinquième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on publia un jeûne devant le Seigneur, pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple qui viendrait des villes de Juda à Jérusalem. Alors Baruch lut dans le livre les paroles du Seigneur, dans la maison du Seigneur, dans la chambre de Gamarias, fils de Saphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison du Seigneur, aux oreilles de tout le peuple. Michée, fils de Gamarias, fils de Saphan, entendit toutes les paroles du Seigneur contenues dans le livre. Il descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire. Et voici que là étaient assis tous les chefs. Élisama, le secrétaire, Dalaïas, fils de Séméias, Elnathan, fils d'Akobor, Gamarias, fils de Saphan, Sédécias, fils de Hananias, et tous les chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre, aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Youdi, fils de Nathanias, fils de Sélémias, fils de Chuzi, pour lui dire « Prends le volume dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. » Baruch, fils de Néria, prit le volume et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, Assieds-toi et lis ce livre à nos oreilles. Et Baruch le lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes ces paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et dirent à Baruch: Il faut que nous rapportions au roi toutes ces paroles. Puis ils interrogèrent Baruch en ces termes: Déclare-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sorties de sa bouche. Baruch leur dit: Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites sur le livre avec de l'encre. Alors les chefs dirent à Baruch: Va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils entrèrent ensuite chez le roi dans la cour, laissant le volume dans la chambre d'Élisama, le secrétaire, et ils racontèrent aux oreilles du roi toute l'affaire. Le roi envoya Youdi pour prendre le volume, et Youdi le prit dans la chambre d'Élisama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui se tenaient debout devant le roi. Or le roi était assis dans l'appartement d'hiver, au 9e mois, et le brasier était allumé devant lui. Dès que Youdi avait lu 3 ou 4 colonnes, le roi coupait le livre avec le canif du secrétaire et le jetait dans le feu du brasier, jusqu'à ce que tout le volume fût consumé par le feu du brasier. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Pourtant Elnathan, Dalaïas et Gamarias avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le volume, mais il ne les avait pas écoutés. Puis le roi ordonna à Jérémiel, fils du roi, et à Saraïas, fils d'Ezriel, et à Sélémias, fils d'Abdéel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais le Seigneur les cacha. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, après que le roi eut brûlé le volume avec les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, en ces termes: Va prendre un autre volume, et tu y écriras toutes les premières paroles qui étaient dans le premier volume que Joachim, roi de Juda, a brûlé. Et tu diras à Joachim, roi de Juda: Ainsi parle le Seigneur. Toi, tu as brûlé ce volume en 10 ans. Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra certainement, qu'il dévastera ce pays et qu'il en fera disparaître hommes et bêtes? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur touchant Joachim, roi de Juda. Il n'aura pas un des siens assis sur le trône de David. Et son cadavre sera jeté dehors, à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je punirai sur lui, sur sa race et sur ses serviteurs leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tout le mal que je leur ai annoncé sans qu'ils m'aient écouté. Jérémie prit donc un autre volume et le donna à Baruch, fils de Nérias, le secrétaire. Et Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé au feu, et beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. Chapitre 37. Le roi Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconias, fils de Joachim. Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'avait établi roi sur le pays de Juda. Et il n'écouta point, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, les paroles que le Seigneur avait prononcées par l'intermédiaire de Jérémie, le prophète. Le roi Sédécias envoya Youcal, fils de Sélémias, et Sophonie, fils de Maasias, le prêtre, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire: Intercède donc pour nous auprès du Seigneur, notre Dieu. Jérémie allait et venait au milieu du peuple, et on ne l'avait pas encore mis en prison. Or l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, en ayant appris la nouvelle, s'étaient éloignés de Jérusalem. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie le prophète en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Vous parlerez ainsi au roi de Juda qui vous a envoyé pour m'interroger. Voici, l'armée de Pharaon qui est sortie pour vous secourir va retourner en son pays, en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, et ils combattront contre cette ville. Ils la prendront et la brûleront. Ainsi parle le Seigneur. Ne vous faites pas illusion en disant « Les Chaldéens s'en iront sûrement loin de nous, car ils ne s'en iront pas. » Et même quand vous auriez battu toute l'armée des Chaldéens qui combattent contre vous, et qu'il ne resterait d'eux que des blessés, ils se lèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem, à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie sortit de Jérusalem pour aller au pays de Benjamin, afin de retirer de là sa portion au milieu du peuple. Mais pendant qu'il était à la porte de Benjamin, le capitaine de la garde, nommé Jérias, fils de Sélémias, fils de Hananias, arrêta Jérémie le prophète en disant « Tu passes aux Chaldéens ». Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens ». Mais Jérias ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et l'amena au chef. Et les chefs s'emportèrent contre Jérémie. Ils le battirent et le mirent en prison, dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Lorsque Jérémie eut pénétré dans la basse fosse, sous les voûtes, et que Jérémie y fut resté bien des jours, Sédécias l'envoya tirer de là. Il l'interrogea secrètement dans sa maison et lui dit « Y a-t-il une parole de la part du Seigneur ?» Et Jérémie répondit « Oui. » Et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « Quelle offense ai-je commise contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, que vous m'ayez mis en prison ? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. » Et maintenant écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, que ma supplication arrive devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, pour y mourir. » Le roi Sédécias donna l'ordre de garder Jérémie dans la cour de la prison et de lui donner chaque jour une miche de pain, de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain fût consommé dans la ville. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Chapitre 38. Alors Saphatias, fils de Matan, Gédélias, fils de Phassur, Yukal, fils de Sélémias, et Phassur, fils de Melchias, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, en disant « Ainsi parle le Seigneur. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens vivra. Il aura la vie pour butin, et il vivra. Ainsi parle le Seigneur. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, et il la prendra. » Et les chefs dirent au roi, « Qu'on fasse donc mourir cet homme, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans la ville, et tout le peuple, en leur tenant ses discours. Car cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. » Et le roi Sédécias dit, « Il est en votre pouvoir, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le descendirent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes dans la citerne. Il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Abdémélec, l'Éthiopien, eunuque de la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or le roi était assis à la porte de Benjamin. Abdémélec sortit de la maison du roi, et il parla au roi en ces termes. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant ainsi Jérémie, le prophète. Ils l'ont descendu dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. Et le roi donna cet ordre à Abdémélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et fais remonter de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Abdémélec prit donc avec lui ses hommes et entra dans la maison du roi, au-dessous de la trésorerie. Il y prit des linges usés et de vieilles hardes, et il les fit passer avec des cordes à Jérémie dans la citerne. Et Abdémélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces linges usés et ces hardes sous tes aisselles, par-dessous les cordes. » Jérémie fit ainsi, et ils le tirèrent avec des cordes et le firent remonter de la citerne. Et Jérémie demeura dans la cour de garde. Alors Sédécias envoya prendre Jérémie le prophète et le fit venir vers lui à la troisième entrée de la maison du Seigneur. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Et Jérémie dit à Sédécias, « Si je te la dis, ne me feras-tu pas sûrement mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécias fit en secret ce serment à Jérémie. Le Seigneur est vivant, lui qui nous a donné cette vie. Je ne te ferai point mourir, et je ne te livrerai point aux mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Alors Jérémie dit à Sédécias, ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Si tu sors pour te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les chefs du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux mains des Chaldéens, qui la brûleront. Et toi, tu ne leur échapperas point. Et le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Judéens qui ont passé aux Chaldéens. On me livrera à eux, et ils se joueront de moi. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute donc la voix du Seigneur dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien, et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Voici que toutes les femmes qui sont restées de la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone, et elles te diront. Tes amis t'ont séduit et dominé, tes pieds se sont enfoncés dans la boue, et eux se sont esquivés. Et on mènera toutes tes femmes et tes enfants aux Chaldéens, et toi-même tu ne leur échapperas pas. Mais tu seras pris par le roi de Babylone, et tu auras brûlé cette ville. » Et Sédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de cet entretien, et tu ne mourras point. Si les chefs apprennent que j'ai parlé avec toi, et qu'ils viennent te dire, « Déclare-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit. Ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. » Tu leur répondras, j'ai présenté ma supplication au roi pour qu'il ne me fasse pas retourner dans la maison de Jonathan, où je mourrai. » Tous les chefs vinrent en effet vers Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement selon ces paroles que le roi lui avait prescrites. et ils le laissèrent en repos, car l'entretien n'avait pas été entendu. Ainsi Jérémie resta dans la cour de garde jusqu'à la prise de Jérusalem, et il y était lorsque Jérusalem fut prise. Chapitre 39. La neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem, et ils l'assiégèrent. La onzième année de Sédécias, au quatrième mois, le neuvième jour du mois, une brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'établirent à la porte du milieu. Nergal-Sérézer, gardien du trésor, Nabu-Sarsakim, chef des eunuques, Nergal-Sérézer, chef des mages, et tout le reste des chefs du roi de Babylone. Lorsque Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent revus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit vers le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. L'ayant pris, ils le firent monter vers Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Ribla, au pays d'Emath, et il prononça sur lui des sentences. Le roi de Babylone égorgea à Ribla les fils de Sédécias sous ses yeux. Le roi de Babylone égorgea aussi tous les grands de Juda. Puis il creva les yeux à Sédécias et le lia avec deux chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Puis les Chaldéens brûlèrent la maison du roi et les maisons du peuple et démolirent les murailles de Jérusalem. Nabuzardan, capitaine des gardes, emmena captif à Babylone le reste du peuple qui était demeuré dans la ville, les transfuges qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple du pays qui était demeuré là. Nabuzardan, capitaine des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des gens pauvres qui ne possédaient rien, et il leur donna des vignes et des champs en ce jour-là. Nabuchodonosor, roi de Babylone, donna un ordre à Nabuzardan, chef des gardes, au sujet de Jérémie en ces termes. « Prends-le, aie les yeux sur lui, et ne lui fais point de mal, mais agis avec lui comme il te dira. » Nabuzardan, chef des gardes, Nabuzeban, chef des eunuques, et Nergal-Sérézer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent prendre Jérémie dans la cour de garde, et ils le remirent à Godolias, fils d'Aïkam, fils de Saphan, pour le conduire dans sa maison. Et il demeura au milieu du peuple. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie pendant qu'il était enfermé dans la cour de garde, en ces termes. « Va, parle à Abdémélec, l'Éthiopien, et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Voici que je vais exécuter mes paroles sur cette ville, pour le mal, et non pour le bien, et ces choses seront en ce jour-là sous tes yeux. Mais je te délivrerai en ce jour-là, oracle du Seigneur, et tu ne seras pas livré aux mains des hommes que tu crains. Je te ferai sûrement échapper, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Tu auras ta vie pour butin, parce que tu t'es confié en moi, oracle du Seigneur. » Chapitre 40. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, après que Nabuzardan, chef des gardes, l'eut envoyé de Rama, l'ayant fait prendre quand il était lié de chaînes au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on déportait à Babylone. Le chef des gardes prit Jérémie et lui dit « Le Seigneur, ton Dieu, avait annoncé ce malheur contre ce lieu, et il l'a fait venir. Et le Seigneur a fait comme il avait dit. Parce que vous avez péché contre le Seigneur, et que vous n'avez point obéi à sa voix, cette chose vous est arrivée. Et maintenant, Voici que je te délie aujourd'hui des chaînes que tu avais aux mains. S'il paraît bon à tes yeux de venir avec moi à Babylone, viens, et j'aurai mes yeux sur toi. Mais s'il paraît mauvais à tes yeux de venir avec moi à Babylone, laisse cela. Regarde, tout le pays est devant toi. Là où il paraîtra bon et convenable à tes yeux d'aller, vas-y. Comme Jérémie tardait à s'en aller, retourne, ajouta-t-il, vers Godolias, fils d'Ahikam, fils de Saphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et demeure avec lui au milieu du peuple. Ou bien va où il te plaira. Et le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et le congédia. Et Jérémie se rendit auprès de Godolias à Masfa, et il demeura avec lui au milieu du peuple laissé dans le pays. Lorsque tous les chefs de troupes qui étaient dans la campagne, eux et leurs hommes, eurent appris que le roi de Babylone avait établi Godolias, fils d'Ahikam, gouverneur du pays, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes et les enfants, et ceux des pauvres du pays qui n'étaient pas déportés à Babylone, ils vinrent vers Godolias à Masfa, savoir Ismaël, fils de Nathanias, Johanan et Jonathan, fils de Caré, Saraïas, fils de Tanéhumet, les fils d'Ephoï, de Netopha, et Jésonias, fils du Mahatien, eux et leurs hommes. Godolias, fils d'Ahikam, fils de Saphan, leur dit avec serment, à eux et à leurs hommes, « Ne craignez point de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Pour moi, voici que je reste à Masfa pour être aux ordres des Chaldéens qui viendront vers vous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits et de l'huile. Mettez-les dans vos vases et habitez vos villes que vous occupez. » Tous les Judéens qui étaient dans le pays de Moab, chez les fils d'Ammon et dans Édom, et qui apprirent dans tous ces pays-là que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda, et qu'il leur avait donné pour gouverneur Godolias, fils d'Ahikam, fils de Saphan. Alors tous les Judéens revinrent de tous les lieux où ils avaient été chassés, et se rendirent au pays de Juda auprès de Godolias, à Masfa, et ils récoltèrent du vin et des fruits en abondance. Mais Johanan, fils de Caré, et tous les chefs des troupes qui étaient dans la campagne, vinrent trouver Godolias à Masfa et lui dirent « Sais-tu que Baalis, roi des fils d'Ammon, a envoyé Ismaël, fils de Nathanias, pour t'ôter la vie ?» Mais Godolias, fils d'Ahikam, ne les crut point. Et Johanan, fils de Caré, parla en secret à Godolias à Masfa en ces termes. « Que j'aille donc tuer Ismaël, fils de Nathanias, sans que personne ne sache. Pourquoi t'ôterait-il la vie, et tous les Juifs qui se sont rassemblés vers toi seraient-ils dispersés, et le reste de Juda périrait-il ?» Godolias, fils d'Ahikam, dit à Johanan, fils de Caré, « Ne fais point cela, car ce que tu dis au sujet d'Ismaël est faux. » Chapitre 41. Au septième mois, Ismaël, fils de Nathanias, fils d'Elisama, de la race royale, vint, accompagné de grands officiers du roi et de 10 hommes, vers Godolias, fils d'Ahikam, à Masfa. Et ils mangèrent ensemble à Masfa. Et Ismaël, fils de Nathanias, se leva, lui et les 10 hommes qui étaient avec lui, et ils frappèrent avec l'épée Godolias, fils d'Ahikam, fils de Saphan, et ils le firent mourir. Lui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays, ainsi que tous les Judéens qui étaient avec lui, avec Godolias, à Masfa. Ismaël tua aussi les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après le meurtre de Godolias, avant que personne le sût, Des hommes vinrent de Sichem, de Silo et de Samarie, au nombre de 80. La barbe rasée, les vêtements déchirés et le corps couvert d'incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison du Seigneur. Ismaël, fils de Nathanias, sortit de Masfa à leur rencontre, tout en pleurant. Et, quand il les eut atteints, il leur dit « Venez vers Godolias, fils d'Ahikam. » Mais dès qu'ils furent entrés au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nathanias, les égorgea et les jeta au milieu de la citerne, lui et les hommes qui étaient avec lui. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir, car nous avons dans les champs des provisions cachées de froment, d'orge, d'huile et de miel. » Alors il s'arrêta et ne les fit pas mourir au milieu de leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta les cadavres des hommes qu'il avait frappés à cause de Godolias, et celle que le roi Asa avait faite en vue de Baasa, roi d'Israël. C'est elle qu'Ismaël, fils de Nathanias, remplit de cadavres. Et Ismaël emmena prisonnier le reste du peuple qui était à Masfa, les filles du roi et tout le peuple qui était resté à Masfa, auquel Nabuzardan, chef des gardes, avait donné pour chef Godolias, fils d'Ahikam. Ismaël, fils de Nathanias, les emmena prisonniers et partit pour passer chez les fils d'Amon. Johanan, fils de Caré, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, ayant appris tout le mal qu'Ismaël, fils de Nathanias, avait fait, prirent tous leurs hommes et se mirent en marche pour combattre Ismaël, fils de Nathanias. Ils l'atteignirent près du grand étang de Gabaon. Et quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Johanan, fils de Caré, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, il s'en réjouit. Et tout le peuple qu'Ismaël emmenait prisonnier de Masfa se retourna et vint se joindre à Johanan, fils de Caré. Mais Ismaël, fils de Nathanias, s'échappa avec 8 hommes devant Johanan et alla chez les fils d'Amon. Et Johanan, fils de Caré, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple qu'Ismaël, fils de Nathanias, avait emmené de Masfa après avoir tué Godolias, fils d'Ahikam. Hommes de guerre, femmes, enfants et eunuques, et ils les ramenèrent de Gabaon. Ils allèrent et s'arrêtèrent au caravansérail de Shamaam, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens qu'ils craignaient, parce qu'Ismaël, fils de Nathanias, avait tué Godolias, fils d'Ahikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Chapitre 42. Alors tous les chefs de troupes, ainsi que Johanan, fils de Caré, Jézonias, fils d'Osaïas, et tout le peuple, petits et grands, s'approchèrent et dirent à Jérémie, le prophète, « Que notre supplication arrive devant toi. Intercède pour nous auprès du Seigneur, ton Dieu, pour tout ce reste de Juda. Car, de beaucoup que nous étions, nous sommes réduits à un petit nombre, comme tes yeux nous voient. » Que le Seigneur, ton Dieu, nous indique le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie, le prophète, leur répondit. J'ai entendu. Voici que je vais prier le Seigneur, votre Dieu, selon vos paroles. Et tout ce que le Seigneur vous répondra, je vous le ferai connaître, sans rien vous cacher. Ils dirent à Jérémie. Que le Seigneur soit un témoin véridique et fidèle contre nous, si nous n'agissons pas en tout selon la parole que le Seigneur, ton Dieu, t'aura envoyé nous communiquer. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix du Seigneur, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien, en obéissant à la voix du Seigneur, notre Dieu. Et au bout de 10 jours, La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Et il appela Johanan, fils de Caré, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, petits et grands. Et il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour présenter devant lui votre supplication. Si vous continuez à demeurer dans ce pays, je vous établirai et ne vous détruirai point. Je vous planterai et ne vous arracherai point, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez point. Oracle du Seigneur. Car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je vous ferai obtenir compassion, et il aura compassion de vous, et il vous fera retourner dans votre pays. Que si vous dites, nous ne demeurerons pas dans ce pays, de telle sorte que vous n'obéissiez pas à la voix du Seigneur, votre Dieu. Si vous dites, non, mais nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne sentirons pas la faim, et c'est là que nous habiterons. Alors entendez la parole du Seigneur, vous, les restes de Juda. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Si vous tournez vos regards vers l'Égypte pour y aller, et que vous y entriez pour y habiter, l'épée que vous craignez vous atteindra là, au pays d'Égypte, et la famine que vous redoutez s'attachera à vous là, en Égypte, et là vous mourrez. Tous ceux qui auront tourné leur regard vers l'Égypte pour y aller et pour y habiter mourront par l'épée, par la famine et par la peste, et il n'y en aura point parmi eux qui survivent et qui échappent au mal que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Comme ma colère et ma fureur ont fondu sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur fondra sur vous quand vous serez entrés en Égypte. Vous serez un objet d'exécration, de stupéfaction, de malédiction et d'outrage, et vous ne reverrez plus ce lieu-ci. Reste de Juda, le Seigneur vous dit, n'entrez point en Égypte. Sachez bien que je vous avertis solennellement aujourd'hui. Car vous vous abusiez vous-même lorsque vous m'avez envoyé vers le Seigneur, notre Dieu, en disant « Intercède pour nous auprès du Seigneur, notre Dieu, et tout ce que le Seigneur, notre Dieu, dira, déclare-le nous et nous le ferons. » Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'avez point écouté la voix du Seigneur, votre Dieu, ni rien de ce qu'il m'a envoyé vous communiquer. Sachez donc bien maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine et par la peste, au lieu où il vous a plu d'aller pour y habiter. Chapitre 43. Et lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles du Seigneur, leur Dieu, toutes ces paroles que le Seigneur, leur Dieu, l'avait envoyé leur communiquer, Azarias, fils d'Osaïas, Johanan, fils de Caré, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge. Le Seigneur, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour nous dire. N'entrez point en Égypte pour y habiter. Mais c'est Baruch, fils de Nérias, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer aux mains des Chaldéens, pour nous faire mourir et pour nous faire transporter à Babylone. » Ainsi Johanan, fils de Caré, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'écoutèrent pas la voix du Seigneur qui leur ordonnait de demeurer au pays de Juda. Mais Johanan, fils de Caré, et tous les chefs des troupes prirent tout le reste de Juda, ceux qui étaient revenus de toutes les nations où ils avaient été dispersés, pour habiter le pays de Juda. Hommes, femmes et enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nabuzardan, chef des gardes, avait laissées avec Godolias, fils d'Ahikam, fils de Saphan, ainsi que Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérias. Ils entrèrent au pays d'Égypte, car ils n'écoutèrent pas la voix du Seigneur, et ils vinrent jusqu'à Taphnès. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, à Taphnès, en ces termes. Prends dans ta main de grosses pierres, et cache-les, en présence des hommes de Juda, dans le ciment de la plateforme en briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon, à Taphnès, et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Voici que je vais envoyer prendre Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées. Il étendra son tapis sur elles. Il viendra et frappera le pays d'Égypte. Qui est pour la mort, à la mort. Qui est pour la captivité, en captivité. Qui est pour l'épée, à l'épée. Et je mettrai le feu aux maisons des dieux d'Égypte. Il les brûlera et emmènera les dieux captifs. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme un berger s'enveloppe de son vêtement, et il en sortira paisiblement. Il brisera les stèles de la maison du soleil qui est dans le pays d'Égypte, et il brûlera les maisons des dieux d'Égypte. Chapitre 44. La parole qui fut adressée à Jérémie pour tous les Judéens demeurant dans le pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Taphnès, à Nof et au pays de Phatsurès, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Vous avez vu tout le mal que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Les voilà aujourd'hui dévastées et sans habitants, à cause du mal qu'ils ont fait pour mériter, en allant offrir de l'encens et des hommages à des dieux étrangers qu'ils ne connaissaient pas, ni eux, ni vous, ni vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, les envoyant dès le matin, pour vous dire « Ne faites donc pas cette abomination que je hais. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille pour revenir de leur méchanceté et n'offrir plus d'encens à des dieux étrangers. Aussi mon indignation et ma colère ont fondu sur eux et se sont allumées contre les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui sont devenues un lieu dévasté et désert, comme cela se voit aujourd'hui. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous ce grand mal à vous-même de vous faire exterminer du milieu de Juda, vos hommes et vos femmes, vos enfants et vos nourrissons, sans qu'on vous laisse aucun reste, de mériter par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens à des dieux étrangers dans le pays d'Égypte, où vous êtes entrés pour y habiter, afin de vous faire exterminer, et afin de devenir un objet de malédiction et d'opprobre parmi tous les peuples de la terre. Avez-vous oublié les crimes de vos pères ? Les crimes des rois de Juda, les crimes des femmes de Juda, vos crimes et les crimes de vos femmes, qu'elles ont commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem. Ils n'ont pas été contrits jusqu'à ce jour, ils n'ont pas eu de crainte, ils n'ont pas marché dans ma loi ni dans mes commandements que j'avais mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Voici que je vais tourner ma face contre vous, pour votre malheur, et pour exterminer tout Juda. Je prendrai le reste de Juda, qui a tourné ses regards vers le pays d'Égypte pour y venir habiter. Ils seront tous consumés dans le pays d'Égypte, et ils tomberont. Ils seront consumés par l'épée, par la famine. Petits et grands, ils mourront par l'épée et par la famine. Et ils seront un objet d'exécration, de stupéfaction, de malédiction et d'opprobre. Je visiterai ceux qui demeurent dans le pays d'Égypte, comme j'ai visité Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. Nul ne réchappera, ni ne survivra du reste de Juda, de ceux qui sont venus pour demeurer ici, au pays d'Égypte, et pour retourner au pays de Juda, où leur désir les pousse à revenir pour y demeurer. Car ils n'y retourneront pas, sauf quelques réchappés. Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à des dieux étrangers, et toutes les femmes rassemblées là, en grande assemblée, et tout le peuple qui demeurait dans le pays d'Égypte, à Phatsurès, répondirent à Jérémie en ces termes. Quant à la parole que tu nous as dite au nom du Seigneur, nous ne t'écoutons pas. Mais nous accomplirons certainement toute parole sortie de notre bouche, en offrant de l'encens à la reine du ciel, en lui versant des libations, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous avions alors du pain à satiété, nous étions heureux et nous ne voyions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui verser des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Et quand nous offrions de l'encens à la reine du ciel et que nous lui versions des libations, est-ce en dehors de nos maris que nous lui faisions des gâteaux pour la représenter et que nous lui versions des libations? Alors Jérémie parla à tout le peuple, contre les hommes, contre les femmes et contre ceux qui lui avaient ainsi répondu, et il leur dit : N'est-ce pas l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays, que le Seigneur s'est rappelé et qui lui est monté au cœur ? Le Seigneur n'a pas pu le supporter plus longtemps, à cause de la méchanceté de vos actions et des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu un lieu désert, dévasté et maudit, où personne n'habite, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez offert de l'encens et péché contre le Seigneur, et que vous n'avez pas écouté la voix du Seigneur, ses lois, ses ordonnances et ses préceptes, c'est pour cela que ce malheur vous est arrivé, comme cela se voit aujourd'hui. Et Jérémie dit à tout le peuple et à toutes les femmes : Écoutez la parole du Seigneur, vous tous, hommes de Juda qui êtes dans le pays d'Égypte. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous l'avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains en disant : Oui, nous accomplirons les vœux que nous avons faits, d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui verser des libations. Eh bien, acquittez vos vœux, ne manquez pas d'accomplir vos vœux. Écoutez donc la parole du Seigneur, vous tous, hommes de Juda qui demeurez dans le pays d'Égypte. Voici que je le jure par mon grand nom, dit le Seigneur. Mon nom ne sera plus prononcé dans tout le pays d'Égypte par la bouche d'aucun homme de Juda disant « Le Seigneur l'Éternel est vivant ». Voici que je veille sur eux, pour leur mal et non pour leur bien, et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à leur extermination. Et ceux qui échapperont à l'épée, en petit nombre, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Et tout le reste de Juda, ceux qui sont venus en Égypte pour y habiter, sauront de qui la parole sera réalisée, la mienne ou la leur. Et ceci sera pour vous, oracle du Seigneur, le signe que je vous visiterai en ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront certainement pour votre malheur. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je livre le pharaon Hophra, roi d'Égypte, aux mains de ses ennemis et aux mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Chapitre 45. La parole que Jérémie, le prophète, dit à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il écrivit ces paroles dans le livre sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, roi d'Israël, à ton sujet, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car le Seigneur ajoute à mon chagrin la douleur. Je m'épuise dans mon gémissement, et je ne trouve point de repos. Ainsi tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Voici que ce que j'avais bâti, je le détruis. Ce que j'avais planté, je l'arrache, et c'est toute cette terre. Et toi, tu chercherais pour toi de grandes choses. Ne les cherche point, car voici que j'amène un malheur sur toute chair. Oracle du Seigneur. Mais je te donnerai la vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Chapitre 46. Parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie le prophète au sujet des nations païennes. Sur l'Égypte. Contre l'armée du pharaon Nécao, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchémis, et que bâtit Nabuchodonosor, roi de Babylone, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez l'écu et le bouclier, et marchez au combat. Attelez les chevaux. Montez, cavaliers. À vos rangs, vous qui portez le casque. Fourbissez les lances. Endossez la cuirasse. Que vois-je ? Ils sont frappés d'épouvante. Ils tournent le dos. Leurs guerriers sont battus. Ils fuient sans se retourner. Terreur de toutes parts. Oracle du Seigneur. Que l'homme agile ne fuit pas, que le vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives du fleuve de l'Euphrate, ils ont chancelé, ils sont tombés. Qui est-ce qui monte, pareil au Nil, dont les flots bouillonnent, pareil à des fleuves? C'est l'Égypte qui monte, pareil au Nil, dont les flots bouillonnent, pareil à des fleuves. Elle a dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, chars, précipitez-vous. En marche, guerriers. Éthiopiens et Libyens qui manient le bouclier, Lydiens qui manient et bandent l'arc. Mais ce jour est au Seigneur l'Éternel des armées, jour de vengeance pour se venger de ses ennemis. L'épée dévore et se rassasie, elle s'abreuve de leur sang. Car c'est une immolation pour le Seigneur, l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur le fleuve de l'Euphrate. Monte à Galaad et prends du baume, Vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations ont appris ta honte, et tes cris de détresse remplissent la terre. Car le guerrier se heurte au guerrier, ils tombent tous deux. La parole qu'adressa le Seigneur à Jérémie, le prophète, sur la venue de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour frapper le pays d'Égypte. Publiez-le en Égypte, faites-le entendre à Migdol, faites-le entendre à Nof et à Taphnès. Dites, à vos rangs, tenez-vous prêts. Déjà l'épée dévore autour de vous. Quoi ? Ton héros est renversé. Il ne s'est pas tenu debout, car le Seigneur l'a jeté par terre. Il multiplie ceux qui trébuchent. Ils tombent les uns sur les autres, et ils disent : levons-nous, retournons vers notre peuple et dans notre pays natal, loin de l'épée homicide. Là, il crie, Pharaon, roi d'Égypte, est perdu. Il a laissé passer le temps favorable. Je suis vivant, oracle du roi dont le nom est le Seigneur des armées. comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel au-dessus de la mer, il vient. Prépare ton bagage de captive, habitante, fille de l'Égypte, car Nof va devenir un désert, elle sera brûlée et sans habitants. L'Égypte est une génisse très belle, un ton vient du septentrion. Ses mercenaires au milieu d'elle sont comme des veaux engraissés. Eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient tous ensemble. Ils ne résistent point. Car il est venu sur eux le jour de leur calamité, le temps de leur châtiment. Sa voix est comme le bruit du serpent qui s'en va. Car ils sont venus en force. Ils sont arrivés chez elle avec des haches, pareils à des bûcherons. Ils ont abattu sa forêt, oracle du Seigneur, alors qu'elle était impénétrable. Car ils sont plus nombreux que les sauterelles, et on ne peut les compter. Elle est confuse, la fille de l'Égypte. Elle a été livrée aux mains d'un peuple du septentrion. Le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, a dit « Voici que je vais visiter Amon de No, et Pharaon, et l'Égypte, et ses dieux, et ses rois, et Pharaon, et ceux qui se fient à lui. Et je les livrerai aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et aux mains de ses serviteurs. Et après cela, elle sera habitée comme au jour d'autrefois, oracle du Seigneur. Toi donc, ne crains pas, mon serviteur Jacob, ne t'effraie pas, Israël. Car voici que je vais te tirer de la terre lointaine, et ta postérité du pays de son exil. Jacob reviendra, il sera tranquille, en sécurité, sans que personne l'épouvante. Et toi, ne crains pas, mon serviteur Jacob, oracle du Seigneur, car je suis avec toi. Je ferai une extermination dans toutes les nations où je t'ai chassé. Pour toi, je ne t'exterminerai pas, mais je te châtierai selon la justice, et je ne te laisserai pas impuni. Chapitre 47. Parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie, le prophète, au sujet des Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle le Seigneur. Voici que des eaux montent du septentrion. Elles deviennent comme un torrent qui déborde, et elles submergeront le pays et ce qu'il contient, la ville et ses habitants. Les hommes poussent des cris, et tous les habitants du pays se lamentent. Au retentissement du sabot de ses coursiers, au fracas de ses chars, au bruit de ses roues, les pères ne se tournent plus vers leurs enfants, tant les mains sont sans force. C'est à cause du jour qui est venu où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous les derniers alliés de Tyr et de Sidon, car le Seigneur va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenue chauve, Ascalon est ruinée, avec la vallée qui les entoure. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée du Seigneur, jusqu'à quand n'auras-tu pas de repos? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu quand le Seigneur t'a donné ses ordres? Vers Ascalon et la côte de la mer, c'est là qu'il la dirige. Chapitre 48. À Moab. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Malheur à Nabo, car elle est ravagée. Kiriathaïm est couverte de honte, elle est prise. La forteresse est couverte de honte, elle est abattue. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hézebon, on médite contre lui le mal. Allons et exterminons-le d'entre les nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Horonaïm. Dévastation et grande ruine. Moab est brisé. Ses petits-enfants font entendre des cris. Oui, à la montée de Luhit, il y a des pleurs. On la gravite en pleurant. Oui, à la descente de Horonaïm, on entend les cris de détresse. Fuyez, sauvez vos vies, qu'elles soient comme une bruyère dans la lande. Car, puisque tu as mis ta confiance en tes ouvrages et en tes trésors, toi aussi tu seras conquis. Et Chamos ira en exil, avec ses prêtres et ses princes, tous ensemble. Le dévastateur viendra contre toutes les villes, et pas une ville n'échappera. La vallée sera ruinée et le plateau saccagé, comme l'a dit le Seigneur. Donnez des ailes à Moab, car il faut qu'il s'envole. Ces villes seront dévastées sans qu'il y ait d'habitants. Maudit soit celui qui fait mollement l'œuvre du Seigneur. Maudit celui qui refuse le sang à son épée. Moab a été tranquille depuis sa jeunesse. Il a reposé sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre, et il n'est pas allé en captivité. Aussi son goût lui est-il resté, et son parfum ne s'est pas altéré. C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront. Ils videront ses vases, et ils briseront ses cruches. Et Moab aura honte de Chamos, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, en qui était sa confiance. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes des guerriers, des hommes vaillants au combat. » Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de ses jeunes gens descend pour la boucherie. Oracle du roi dont le nom est le Seigneur des armées. La ruine de Moab approche. Son malheur vient en grande hâte. Consolez-le, vous tous, ses voisins, et vous tous qui connaissez son nom, dites « Comment a été brisé un bâton si fort, un sceptre si magnifique ? Descends de ta gloire et assieds-toi sur la terre aride, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab est monté contre toi, il a renversé tes remparts. Tiens-toi sur le chemin et observe, habitante d'Aroer. Interroge celui qui fuit et celle qui s'échappe. Dis, qu'est-il arrivé ? Moab est confus, car il est renversé. Poussez des gémissements et des cris. Annoncez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Un jugement est venu sur le pays de la plaine, sur Elon, sur Jaza, sur Mephaat, sur Dibon, sur Nabo, sur Beth Deblataïm, sur Kariataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Maon, sur Kariot, sur Bosra, et sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La corne de Moab est abattue, et son bras est brisé, oracle du Seigneur. Enivrez-le, car il s'est élevé contre le Seigneur. Que Moab se vautre dans son vomissement, et qu'il devienne un objet de risée, lui aussi. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de risée? L'a-t-on surpris avec des voleurs, pour que, chaque fois que tu parles de lui, tu hoches la tête? Abandonnez les villes, demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Et soyez comme la colombe qui fait son nid au-dessus du précipice béant. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa hauteur, son orgueil, sa fierté, et la fierté de son cœur. Moi aussi, je connais, oracle du Seigneur, sa jactance, et ses vains discours, et ses œuvres vaines. C'est pourquoi je me lamente sur Moab. Sur tout Moab, je pousse des cris. On gémit sur les gens de Kir-Hérès. plus encore que sur Jazer, je pleure sur toi, vigne de Sabama. Tes sarments dépassaient la mer, ils touchaient à la mer de Jazer. Sur ta récolte et sur ta vendange, le dévastateur s'est jeté. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et de la terre de Moab. J'ai fait tarir le vin des cuves. On ne le foule plus au bruit des hurrahs. Le hurrah n'est plus le hurrah. À cause du cri de Hézébon jusqu'à Éléalé, jusqu'à Jaza, ils font entendre leur cri. De Ségor jusqu'à Horonaïm, jusqu'à Églat-Sélicia. Car même les eaux de Némrim seront taries. Je veux en finir avec Moab, oracle du Seigneur, avec celui qui monte à son haut lieu et offre de l'encens à son Dieu. C'est pourquoi mon cœur au sujet de Moab gémit comme une flûte. Oui, mon cœur au sujet des gens de Kir-Hérès gémit comme une flûte. C'est pourquoi le gain qu'ils avaient fait est perdu. Car toute tête est rasée et toute barbe coupée. Sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et sur ses places, ce ne sont que lamentations. Car j'ai brisé Moab comme un vase dont on ne veut plus. Oracle du Seigneur. Comme il est brisé, gémissez. Comme Moab a honteusement tourné le dos. Moab est devenu un objet de risée et d'épouvante pour tous ses voisins. Car ainsi parle le Seigneur. Voici qu'il prend son vol comme l'aigle, il étend ses ailes sur Moab. Cariot est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des guerriers de Moab est, en ce jour, comme le cœur d'une femme en travail. Moab est exterminé du rang des peuples, parce qu'il s'est élevé contre le Seigneur. Épouvante, fosse et filet sont sur toi, habitant de Moab. Oracle du Seigneur. Celui qui fuit devant l'objet d'épouvante tombera dans la fosse, et celui qui remontera de la fosse sera pris au filet, car je vais faire venir sur lui, sur Moab, l'année de sa visitation. Oracle du Seigneur. À l'ombre de Hézébon, il s'arrête, les fuyards à bout de force. Mais il est sorti un feu de Hézébon, et une flamme du milieu de Séon. Elle a dévoré les flancs de Moab et le crâne des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, il est perdu, le peuple de Chamos, car tes fils sont emmenés en exil et tes filles en captivité. Mais je ramènerai les captifs de Moab à la fin des jours. Oracle du Seigneur. Jusqu'ici, le jugement de Moab. Chapitre 49. Contre les enfants d'Ammon. Ainsi parle le Seigneur. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi Melchom a-t-il pris possession de Gad? Et son peuple s'est-il installé dans ses villes? C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je ferai retentir à Rabba, des enfants d'Ammon, le cri de guerre. Elle deviendra un monceau de ruines, et ses filles seront livrées au feu, et Israël héritera de ceux qui ont hérité de lui, oracle du Seigneur. Lamente-toi, Hézébon, car Haï a été saccagée. Poussez des cris, filles de Rabba, saignez-vous de sacs, lamentez-vous. Errez le long des clôtures, car Melchom s'en va en exil, et avec lui ses prêtres et ses chefs. Pourquoi te glorifier de tes vallées? Elle est riche, ta vallée. Fille rebelle, toi qui te confies dans tes trésors, disant, qui oserait venir contre moi? Voici que j'amène contre toi la terreur, oracle du Seigneur des armées, de tous les alentours. Vous serez chassés, chacun droit devant soi, et personne ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, oracle du Seigneur. Contre Édom. Ainsi parle le Seigneur des armées. N'y a-t-il plus de sagesse en Théman? Les avisés sont-ils à bout de conseils? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, retournez sur vos pas, blottissez-vous, habitants de Dédane, car j'amènerai sur Ésaü la ruine, au temps où je le visite. Si des vendangeurs viennent chez toi, ils ne laissent rien à grappiller. Si ce sont des voleurs de nuit, ils pillent tout leur saoule. Car c'est moi qui ai mis à nu Ésaü, et découvert ses retraites, et il ne peut plus se cacher. Sa race est ravagée, ses frères, ses voisins, et il n'est plus. Abandonne tes orphelins, c'est moi qui les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle le Seigneur. Voici que ceux qui ne devaient pas boire cette coupe la boiront sûrement. Et toi, tu en serais tenu quitte? Non, tu n'en seras pas tenu quitte, tu la boiras sûrement. Car je l'ai juré par moi-même, oracle du Seigneur. Bosra sera un sujet d'étonnement et d'opprobre, un lieu désert et maudit, et toutes ces villes seront des ruines à jamais. J'en ai appris du Seigneur la nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Rassemblez-vous et marchez contre lui. Levez-vous pour le combat. Car voici que je t'ai rendu petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. La terreur que tu inspirais t'a égaré, ainsi que la fierté de ton cœur. Toi qui habites le creux des rochers, qui occupes le sommet de la colline. Mais quand tu élèverais ton air comme l'aigle, de là je te ferai descendre, oracle du Seigneur. Édom sera un sujet d'étonnement. Tous les passants s'étonneront et siffleront à la vue de toutes ses plaies. Ce sera comme la catastrophe de Sodome, de Gomorre et des villes voisines, dit le Seigneur. Personne n'y habitera, aucun fils de l'homme n'y séjournera. Pareil à un lion, voici qu'il monte des halliers du Jourdain au pâturage perpétuel. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'y établirai celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me provoquerait? Et quel est le berger qui me tiendrait tête? Écoutez donc la résolution qu'a prise le Seigneur contre Édom, et les desseins qu'il a médités contre les habitants de Théman. Oui, on les entraînera comme de faibles brebis. Oui, leur pâturage en sera dans la stupeur. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Le bruit de leur voix se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici qu'il monte et prend son vol comme l'aigle. Il étend ses ailes sur Bosra. Et le cœur des guerriers d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Contre Damas. Hamath et Arphad sont dans la confusion, parce qu'elles ont reçu une mauvaise nouvelle. Elles se fondent de peur. C'est la mer en tourmente, qui ne peut s'apaiser. Damas est sans force. Elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent, comme une femme qui enfante. À quel point n'est-elle pas abandonnée? La ville glorieuse, la cité de délices, de joie. Aussi ces jeunes gens tomberont sur ces places, ainsi que tous ces hommes de guerre. Ils périront en ce jour-là, oracle du Seigneur des armées. J'allumerai un feu dans les murs de Damas, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Contre Sédar et les royaumes de Hazor, que frappa Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ainsi parle le Seigneur. Debout, marchez contre Sédar, exterminez les fils de l'Orient. qu'on prenne leurs tentes et leurs troupeaux, qu'on leur enlève leurs tentures, tous leurs bagages et leurs chameaux, et qu'on leur crie « Terreur de toutes parts !» Sauvez-vous, fuyez de toutes vos forces, blottissez-vous, habitants de Hazor, oracle du Seigneur. Car Nabuchodonosor, roi de Babylone, a formé contre vous un dessein, il a conçu un projet contre vous. Debout, marchez contre un peuple tranquille, en assurance dans sa demeure, oracle du Seigneur, qui n'a ni porte ni barre, qui vit à l'écart. Leurs chameaux seront votre butin, et la multitude de leurs troupeaux vos dépouilles. Je les disperserai à tous les vents, ces hommes aux tempes rasées, et de tous côtés je ferai venir leurs ruines, oracle du Seigneur. Et Hazor deviendra un repaire de chacal, une solitude pour toujours. Personne n'y demeurera, aucun fils d'homme n'y séjournera. La parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie, le prophète, pour Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici que je vais briser l'arc d'Élam, principe de sa force. Je ferai venir sur Élam quatre vents, des quatre coins du ciel, et je le disperserai à tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent pas des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler Élam devant ses ennemis, et devant ceux qui en veulent à sa vie, et j'amènerai sur eux des malheurs, le feu de mon ardente colère, oracle du Seigneur. Et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône en Élam, et j'en exterminerai roi et chef, oracle du Seigneur. Mais à la fin des jours, je ramènerai les captifs d'Élam, oracle du Seigneur. Chapitre 50. La parole que le Seigneur prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par l'intermédiaire de Jérémie, le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le. Élevez un étendard, publiez-le, ne le cachez pas. Dites, Babel est prise, Bel est confondue, Mérodac est abattue. Ses idoles sont confondues, ses faux dieux sont abattus. Car du septentrion un peuple monte contre elle. Il fera de son pays une solitude. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes ont fui, se sont allés. En ces jours-là et en ce temps-là, oracle du Seigneur, les enfants d'Israël reviendront, eux et les enfants de Juda avec eux. Ils marcheront en pleurant et chercheront le Seigneur, leur Dieu. Ils demanderont Sion et tourneront leur face vers elle. Venez et attachons-nous au Seigneur par une alliance éternelle, qui ne soit jamais oublié. Mon peuple était un troupeau de brebis qui se perdait. Leurs bergers les égaraient sur des montagnes perfides. Elles allaient de montagne en colline, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes pas coupables ». Parce qu'elles avaient péché contre le Seigneur, la demeure de justice, contre le Seigneur, l'espérance de leur père. Fuyez du milieu de Babylone, et sortez du pays des Chaldéens. Soyez comme les boucs, à la tête du troupeau. Car voici que je vais susciter et faire marcher contre Babel une réunion de grands peuples, venant du pays du septentrion. Ils se rangeront contre elle, et de ce côté-là elle sera prise. Leurs flèches sont celles d'un guerrier habile, qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera mise au pillage. Tous ceux qui la pilleront se rassasieront. Oracle du Seigneur. Oui, réjouissez-vous. Oui, livrez-vous à l'allégresse, pillard de mon héritage, Oui, bondissez comme une génisse dans la prairie. Hennissez comme des étalons. Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici quelle est la dernière des nations. Un désert, une steppe, une terre aride. À cause de la colère du Seigneur, elle ne sera plus habitée. Ce ne sera plus qu'une solitude. Quiconque passera près de Babel s'étonnera et sifflera à la vue de ses plaies. Rangez-vous contre Babel tout autour, vous tous, archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses tours s'écroulent, ses murs sont renversés. Car c'est la vengeance du Seigneur. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babel celui qui sème, et celui qui manie la faucille au jour de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée à qui les lions ont fait la chasse. Le premier l'a dévorée, le roi d'Assyrie. Puis cet autre lui a brisé les os. Nabuchodonosor, roi de Babel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Voici que je vais visiter le roi de Babel et son pays, comme j'ai visité le roi d'Assyrie. Et je ramènerai Israël dans sa demeure. Et il paîtra au Carmel et en Bazan. Et sur la montagne d'Éphraïm et de Galaad, il ira se rassasier. En ces jours-là et en ce temps-là, oracle du Seigneur, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle ne sera plus. Le péché de Juda, et on ne le trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays de rébellion, et contre les habitants de punition. Détruis, extermine-les, les uns après les autres, oracle du Seigneur, et fais tout ce que je t'ai ordonné. Bruit de bataille dans le pays et grand massacre. Comment a été rompu et brisé le marteau de toute la terre? Comment Babel est-elle devenue un objet d'horreur au milieu des nations? J'ai tendu des lacets, et tu as été prise. Babel, sans t'en douter. Tu as été trouvé et saisi parce que tu t'es mis en guerre contre le Seigneur. Le Seigneur a ouvert son arsenal, et il en a tiré les armes de sa colère. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, a affaire au pays des Chaldéens. Arrivez contre elle de toutes parts, ouvrez ses greniers, entassez tout comme des gerbes, et exterminez. Qu'il n'en reste rien. Tuez tous les taureaux, qu'ils descendent à la boucherie. Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps où ils seront visités. Cri des fuyards et de ceux qui se sauvent du pays de Babel. Ils annoncent en Sion la vengeance du Seigneur, notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babel des archers, tous ceux qui bandent l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, tout ce qu'elle a fait, faites-le lui, car elle s'est élevée contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont sur ses places, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour. Oracle du Seigneur. Me voici contre toi, insolente. Oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Car ton jour est venu, le temps où je visite. Elle chancellera, l'insolente. Elle tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ses villes, et il dévorera tous ses alentours. Ainsi parle le Seigneur des armées. Les enfants d'Israël sont opprimés, et avec eux les enfants de Juda. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est fort, le Seigneur des armées est son nom. Il défendra puissamment leur cause pour donner le repos à la terre et faire trembler les habitants de Babel. Épée contre les Chaldéens, oracle du Seigneur, et contre les habitants de Babel, et contre ses chefs et contre ses sages. Épée contre les imposteurs, et qu'ils perdent le sens. Épée contre ses braves, et qu'ils tremblent. Épée contre ses chevaux et ses chars, et contre toute la tourbe des gens qui sont au milieu d'elle, et qu'ils soient comme des femmes. Épée contre ses trésors, et qu'ils soient pillés. Sécheresse sur ses eaux, et qu'elles tarissent. Car c'est un pays d'idoles, et devant ses épouvantails ils délirent. Aussi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera jamais plus peuplée, elle ne sera plus habitée d'âge en âge. Comme lorsque Dieu détruisit Sodome, Gomorre et les villes voisines, oracle du Seigneur. Personne n'y demeurera, aucun fils d'homme n'y séjournera. Voici qu'un peuple arrive du septentrion. Une grande nation et des rois nombreux se lèvent des extrémités de la terre. Ils tiennent à la main l'arc et le javelot. Ils sont cruels et sans pitié. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, rangés comme un seul homme pour la guerre. Contre toi, fille de Babel. Le roi de Babel a appris la nouvelle, et ses mains ont défailli. L'angoisse l'a saisie, les douleurs d'une femme qui enfante. Pareil à un lion, voici qu'il monte des halliers du Jourdain au pâturage perpétuel. Et soudain, je les en ferai fuir, et j'y établirai celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me provoquerait? Et quel est le berger qui me tiendrait tête? Écoutez donc la résolution du Seigneur qu'il a prise contre Babel et les desseins qu'il a médités contre le pays des Chaldéens. Oui, on les entraînera comme de faibles brebis. Oui, le pâturage en sera dans la stupeur. Au bruit de la prise de Babel, la terre tremble. Un cri se fait entendre chez les nations. Chapitre 51. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais soulever contre Babel et contre les habitants de la Chaldée l'esprit d'un destructeur. Et j'enverrai à Babel des vanneurs qui la vanneront, et ils videront son pays, car ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Que l'archer tende son arc contre l'archer et contre celui qui se pavane dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes gens, exterminez toute son armée. Que des blessés à mort tombent sur la terre des Chaldéens, et des transpercés dans les rues de Babel. Car Israël et Juda ne sont pas veuves de leur Dieu, du Seigneur des armées, et le pays des Chaldéens est rempli d'iniquité contre le Saint d'Israël. Fuyez du milieu de Babylone, et que chacun de vous sauve sa vie. Ne périssez pas pour son crime, car c'est le temps de la vengeance pour le Seigneur. Il va lui rendre ce qu'elle a mérité. Babel était une coupe d'or dans la main du Seigneur. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont en délire. Soudain Babel est tombée et s'est brisée. Hurlez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babel, mais elle n'a pas guéri. Laissez-la, allons chacun dans notre pays, car son jugement atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Le Seigneur a manifesté la justice de notre cause. Venez et racontons en Sion l'œuvre du Seigneur, notre Dieu. Aiguisez les flèches, couvrez-vous de vos boucliers. le Seigneur a excité l'esprit des rois de Médie, car son dessein sur Babel est de la détruire. Car c'est là la vengeance du Seigneur, la vengeance de son temple. Élevez l'étendard contre les murs de Babylone. Renforcez le blocus. Posez des sentinelles. Dressez des embuscades. Car le Seigneur a formé un dessein. Il exécute ce qu'il a dit contre les habitants de Babel. Toi qui habites au bord des grandes eaux, riche en trésors, ta fin est venue, le terme de tes rapines. Le Seigneur des armées l'a juré par lui-même. Je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront sur toi le cri du triomphe. Il a fait la terre par sa force, affermi le monde par sa sagesse, et par son intelligence il a étendu les cieux. À sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse, et tire le vent de ses réservoirs. Tout homme est stupide, hors de sens. Tout artisan a honte de son idole, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point de souffle en elles. Elles sont une vanité, une œuvre de tromperie. Au jour du châtiment, elles périront. Telle n'est point la part de Jacob. Lui, il a formé l'univers. Sa part d'héritage est celui qui se nomme Seigneur des armées. Tu me sers de marteau, d'arme de guerre. Par toi, je broie des peuples. Par toi, je détruis des royaumes. Par toi, je broie le cheval et son cavalier. Par toi, je broie le char et celui qui le monte. Par toi, je broie homme et femme. Par toi, je broie vieillard et enfant. Par toi, je broie jeune homme et jeune fille. Par toi, je broie le berger et son troupeau. Par toi, je broie le laboureur et son attelage. Par toi, je broie les gouverneurs et les chefs. Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait dans Sion, sous vos yeux. Oracle du Seigneur. Me voici contre toi, montagne de destruction. Oracle du Seigneur, qui détruit toute la terre. J'étends ma main sur toi, je te roule du haut des rochers et je fais de toi une montagne brûlée. On ne tirera de toi ni pierre d'angle, ni pierre pour les fondements, car tu seras à jamais une ruine. Oracle du Seigneur. Élevez un étendard sur la terre, sonnez de la trompette parmi les nations. Consacrez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Ménie et d'Assénèse. Établissez contre elles un chef d'armée. Lancez les chevaux comme des sauterelles hérissées. Consacrez contre elles les nations, les rois de Médie, ses capitaines et ses chefs, et tout le pays sur lequel ils commandent. La terre tremble, elle s'agite. Car le dessein du Seigneur s'accomplit contre Babel, pour changer le pays de Babel en un lieu de terreur, sans habitants. Les vaillants de Babel ont cessé de combattre, ils se tiennent dans les forteresses, leur vigueur est à bout. Ils sont devenus comme des femmes. On a mis le feu à ses habitations, on a brisé les barres de ses portes. Les courriers courent à la rencontre des courriers. Les messagers à la rencontre des messagers, pour annoncer au roi de Babel que sa ville est prise de tous côtés. Les passages sont occupés, on brûle au feu les marais, et les hommes de guerre sont consternés. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. La fille de Babel est comme une aire, au temps où on la foule. Encore un peu, et viendra pour elle le temps de la moisson. Il m'a dévoré, il m'a consumé, Nabuchodonosor, roi de Babel. Il m'a posé là comme un vase vide. Tel qu'un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de mes meilleurs mets. Il m'a chassé. Que ma chair déchirée soit sur Babel, dira le peuple de Sion, et mon sang sur les habitants de la Chaldée, dira Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je prends en main ta cause, et que j'exécute ta vengeance. Je dessécherai sa mère, et ferai tarir sa source. Et Babel sera un monceau de pierres, un repaire de chacals, un sujet de terreur et de moquerie, sans habitants. Ils rugissent tous ensemble comme des lions, ils grondent comme les petits des lionnes. Tandis qu'ils sont en fièvre, je leur verserai un breuvage, et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la joie, et ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ils ne se réveilleront plus. Oracle du Seigneur. Je les ferai descendre comme des agneaux à la boucherie, comme des béliers et des boucs. Comment a été prise ces sacs? A été conquise la gloire de toute la terre? Comment est-elle devenue un objet de terreur, Babel, parmi les nations? La mer est montée sur Babel, elle l'a couverte du bruit de ses flots. Ses villes sont devenues un objet de terreur, une terre désolée et déserte, une terre où personne ne demeure, où ne passe aucun fils d'homme. Je visiterai Bel à Babel, et je tirerai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babel est tombée. Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, et que chacun de vous sauve sa vie, devant l'ardente colère du Seigneur. Que votre cœur ne défaille point, ne vous effrayez pas des bruits qu'on entendra dans le pays, car une année surviendra un bruit, et une année après un autre bruit. Il y aura violence dans le pays, tyran contre tyran. C'est pourquoi voici que des jours viennent où je visiterai les idoles de Babel, et tout son pays sera confus. Et tous ses tués tomberont au milieu d'elle. Le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment, pousseront des cris de joie sur Babel, car du septentrion viendront sur elle les dévastateurs. Oracle du Seigneur. Babel doit tomber, ô tués d'Israël, comme pour Babel sont tombés les tués de toute la terre. Échappés du glaive, partez, ne vous arrêtez pas. De la terre lointaine, souvenez-vous du Seigneur, et que Jérusalem soit présente à votre cœur. Nous étions confus, car nous avions appris l'outrage. La honte couvrait nos visages, car des étrangers étaient venus contre le sanctuaire de la maison du Seigneur. C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je visiterai ces idoles. Et dans tout son pays gémiront ceux qu'on égorge. Quand Babel s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessible sa haute forteresse, par mon ordre lui viendraient des dévastateurs. Oracle du Seigneur. Une clameur retentit du côté de Babel. Grand désastre au pays des Chaldéens. Car le Seigneur dévaste Babel, et il fait cesser son grand bruit. Leurs flots mugissent comme les grandes eaux, et font entendre leur fracas. Car il est venu contre elle, le dévastateur, contre Babel. Ses guerriers sont pris, leurs arcs sont brisés, car le Seigneur est le Dieu des rétributions. Il paiera sûrement. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers. Et ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus. Oracle du roi, dont le nom est le Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur des armées. Les murailles de Babel, si larges, seront complètement rasées, et ses hautes portes seront brûlées. Ainsi les peuples travaillent pour le néant, et les nations au profit du feu, et ils s'y épuisent. L'ordre que donna Jérémie le prophète à Saraïas, fils de Nérias, fils de Maasias, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année de son règne. Saraïas était grand chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles écrites sur Babylone. Et Jérémie dit à Saraïas, « Quand tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, « Seigneur, toi-même tu as dit au sujet de ce lieu qu'on le détruirait, de telle sorte qu'il n'y aurait plus d'habitants, ni hommes, ni bêtes, mais qu'il serait une solitude pour toujours. Et quand tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate. Et tu diras, « Ainsi s'abîmera Babylone, et elle ne se relèvera pas du malheur que j'amènerai sur elle, et ils tomberont épuisés. » Jusqu'ici, les paroles de Jérémie. Chapitre 52. Sédécias était âgé de 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital, fille de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, imitant tout ce qu'avait fait Joachim. Cela arriva à Jérusalem et en Juda, à cause de la colère du Seigneur, jusqu'à ce qu'il les rejette de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e mois, le 10e jour du mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et construisirent tout autour des murs d'approche. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Au 4e mois, le 9e jour du mois, comme la famine était grande dans la ville et qu'il n'y avait plus de pain pour le peuple du pays, une brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, par la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi. Ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ayant saisi le roi, ils le firent monter vers le roi de Babylone à Rebla, dans le pays d'Emath, et il prononça sur lui des sentences. Le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécias sous les yeux de leur père. Il égorgea aussi tous les chefs de Juda à Rebla. Puis il creva les yeux à Sédécias et le lia avec 2 chaînes d'airain. Et le roi de Babylone le mena à Babylone et le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 5e mois, le 10e jour du mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, capitaine des gardes, qui était ministre du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison du Seigneur, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les grandes maisons. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le capitaine des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nabuzardan, capitaine des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, avec le reste du peuple qui était demeuré dans la ville, les transfuges qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste des artisans. Mais Nabuzardan, capitaine des gardes, laissa comme vigneron et comme laboureur quelques-uns des pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui appartenaient à la maison du Seigneur, ainsi que les bases et la mer d'airain qui étaient dans la maison du Seigneur, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les pots, les pelles, les couteaux, les tasses, les coupes et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le capitaine des gardes prit encore les bassins, les encensoirs, les tasses, les pots, les chandeliers, les cuillères et les urnes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Quant aux deux colonnes, à la mer et aux 12 bœufs d'airain qui étaient dessous, et aux bases que le roi Salomon avait faites dans la maison du Seigneur, il n'y avait pas à peser l'airain de tous ses ustensiles. Quant aux colonnes, la hauteur d'une colonne était de 18 coudées, et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour. Son épaisseur était de 4 doigts, et elle était creuse. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Et il y avait tout autour du chapiteau un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même de la seconde colonne, avec les grenades. Il y avait 96 grenades sur les faces, et toutes les grenades étaient au nombre de 100 sur le treillis, tout autour. Le capitaine des gardes prit Saraïas, le grand prêtre, Sophonie, prêtre de second ordre, et les trois gardiens de la porte. De la ville, il prit un officier qui commandait aux gens de guerre. Sept hommes faisant partie du conseil privé du roi, et qui furent retrouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée, chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvaient dans la ville. Les ayant pris, Nabuzardan, capitaine des gardes, les conduisit vers le roi de Babylone, à Rebla. Et le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Rebla, dans le pays d'Emath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de sa patrie. Voici le nombre des hommes que Nabuchodonosor emmena captifs. La septième année, 3023 hommes de Juda. La 18e année de Nabuchodonosor, 832 personnes de la population de Jérusalem. La 23e année de Nabuchodonosor, Nabuzardan, capitaine des gardes, emmena encore captifs 745 hommes de Juda. En tout, 4600 personnes. La 37e année de la captivité de Joachin, roi de Juda, le 12e mois, le 25e jour du mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, en l'année de son avènement, releva la tête de Joachin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachin mangea en sa présence, toujours, tous les jours de sa vie. Quant à son entretien perpétuel, le roi de Babylone y pourvut chaque jour, jusqu'au jour de sa mort, tous les jours de sa vie.